Voici Martial Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins Domaine du Roy. La Caisse Desjardins du Domaine du Roy est fière de vous présenter la chronique hebdomadaire des Sables de Robertval. Desjardins, toujours impliqué auprès des jeunes de sa collectivité, souhaite tout le succès possible à son équipe junior 2A. Pour un transport en toute sécurité, les autobus du groupe Véro sont les gens à contacter. Nous offrons des transports de 48 à 56 passagers en plus du transport scolaire. Chez le groupe Véro, notre confort est notre priorité. Téléphonez-nous au 418-679-1573. Le personnel et la direction du groupe Véro souhaitent une belle saison au Sabre de Robertval et fiers commanditaires de la chronique de l'instructeur-chef Patrice Gagnon. On va parler des Sabres de Robertval avec Guillaume Gay. Il semble qu'il était d'ailleurs 2-0 dans la série contre les Marquis de Jonquière. Salut Guillaume! Salut Danny! Guillaume, dans le premier match, a été une défaite de 6-2 contre les Marquis de Jonquière. Tu t'attendais vraiment à une grosse opposition, mais est-ce que tu t'attendais à ça aussi? Oui, c'est sûr qu'en affrontant les Marquis, on s'attendait que ça soit pas facile. Pour le match de 6-2 jeudi soir, on menait 2-1 après une période. Et on manquait un petit peu d'effectifs. Je vais pas mettre ça la faute là, seulement sur ça. Mais en plus, on venait de sortir d'une grosse série contre des Adelons. Je m'attendais pas de miracle pour jeudi soir. Là. Tout ce que je voulais, c'est que les gars travaillent fort puis que en espérant remporter la victoire, mais on sait qu'un 4-7, ça peut quand même être assez long. Fait que pas dramatisé après la défaite de jeudi soir. OK. Puis surtout que c'était à Jonquière aussi. Là, Ouais, en plus. Ouais. Donc ça, il fallait pas s'attendre. Mais l'autre match de 8-2, ça, tu devais être un petit peu plus déçu à la maison comme ça? Ouais, 8-2, notre premier match au Centre sportif Benoît Lévesque. Comment est l'aréna en passant, hein? Hein? Comment ça aurait été en passant? Ouais, l'aréna, c'est merveilleux, je te dirais. Là. Personnellement, dans la région, là, je te dirais que c'est une des plus belles arénas. C'est flambant neuf, je veux dire. Il n'y a pas de défaut là, pour le moment, là, tu sais, je veux dire. Tout a été changé, là. On a notre chambre à nous. Je veux dire, l'ambiance pour notre équipe, là, c'est merveilleux, c'est sûr. Puis on a attiré quand même 200 de personnes. Là. OK, OK. C'est quand même. Tout était là pour avoir un bon match de hockey. OK. Là, tu t'attends à quoi, je veux dire, du restant de la série? Est-ce que tu t'attends vraiment, là, c'est sûr que tu fais face à une puissance? Est-ce que le moral des troupes, comment est-il? Ouais, le moral des troupes est quand même bon. Là. Aujourd'hui, là, on pratique à soir là, à 7h30 là, à Robertval. On va pouvoir rencontrer toutes les personnes. C'est sûr que moi, me connaissant, j'abandonnerai pas peu importe ce qui arrive. Peu importe avec l'alignement qu'on va avoir jeudi soir, on va être là pour se présenter à Jonquière. Puis moi, c'est sûr que le mot d'ordre, ça va être au gars, ça va être de continuer à travailler fort. Puis il arrivera ce qui arrivera. Oui, on a certains bobos, des joueurs qui sont pas en uniforme à cause de blessures contre Alma. Des joueurs qui jouent blessés également, qui ne peuvent pas le donner le 100%. Et ça fait partie des séries. Puis partout où ce qu'on voit ça, ben, je veux dire, les blessures, ça fait partie de la game. Puis il faut que tu vives avec ça. Ben, le bord aussi doit avoir quelques blessés aussi. Ouais, l'autre bord, ils ont peut-être une série de moins joués que nous. Là. Ouais. Mais c'est sûr que les blessures vont sortir un peu également. Là. C'est pas... C'est égal pour toutes les équipes, en fait. Là. Okay. C'est juste que nous, peut-être qu'on manque un petit peu d'opportunisme en offensive, là, comparé à Jonquière, que quand ils ont une chance de marquer, ben, ils en mettent 70% du temps dedans. Là. Il s'agit d'éviter les revirements, comme je parlais la semaine passée, puis les erreurs mentales. Là. OK. C'est souvent aussi le cas. Aussi. C'est souvent un but ou encore un gros arrêt du gardien. Puis, hein? C'est souvent le cas, hein? Exactement. Tu sais, comme samedi, là, c'était 2-1 jusqu'en début de deuxième période pour les Marquis. On était dans le match. On a manqué peut-être un but ou deux. Les autres ont pas gagné un breakaway, on a échappé, puis ils ont scoré. Ça a fait 3-1. On a commis peut-être une petite baisse après ça. Là. Mm. Puis ils ont marqué 2-3 buts rapides après, là, puis ça a été quasiment terminé là, après ça. OK. Ben, Sébastien, quoi qu'il arrive, on s'en reparle la semaine prochaine. Si on parle d'élimination, si vous êtes éliminé, on s'en reparlera quand même, faire le bilan. Sinon, ben, on va continuer à se parler. Ah, il n'y a pas de problème, Danny. On va essayer de tirer ça le plus long possible. Ben voilà, donc c'était l'instructeur-chef des Sabres de Robertval, Sébastien Gay.